Radio Nietzsche. Tutti i compagni giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio. Che casino, però ci voleva. Che bordel! Che bordel! Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare. Non più parole, la croce di collo. Il y avait 5 ou 6 hommes de cette colline qui abritaient dans les bois, espionnaient les mouvements des fascistes, là-bas à Santo Stefano. Le plus vieux d'entre eux, qui est également celui qui semblait supporter la situation avec le plus de bonne humeur, un homme aux moustaches et aux cheveux blancs, et les yeux chargés d'humeur, demande à Milton. Tu penses que ça finira quand, patriote? Au printemps, répondit-il, mais la voix qui lui sortit était trop rauque et fausse. Il tout se répète. Au printemps. Ils parlèrent. L'un d'entre eux blasphème et dit « Quel printemps? Il y a un printemps en mars et un printemps en mai. » « En mai. » précise Milton. Tout en restant absourdi, ensuite, le vieux demande à Milton comment il avait fait pour se couvrir de bonnes comme ça. Milton rougit inexplicablement. « Je suis tombé dans la descente et j'ai glissé sur la poitrine pendant des mètres. » Finira bien par venir ce jour, dit le vieux en regardant Milton avec trop d'intensité. Bien sûr, ça viendra, répondit Milton, qui referme la bouche. Mais le vieux insistait à les regarder avec avidité insatisfaite, peut-être même insatiable. Bien sûr, ça viendra, répète Milton. Et alors? Dit le vieux. J'espère vraiment. Que vous n'en pardonnerez pas un seul. Pas un seul. 10 000 temps. C'est sûr. Tous. Vous devez les tuer tous. Car pas un seul d'entre eux ne mérite moins que ça. La mort. C'est la peine la plus modérée pour les moins méchants d'eux. On les tuera tous. 10 000 temps. On est d'accord. Mais les vieux n'avaient pas fini. Quand je dis tous, je veux dire vraiment tous. Même les infirmiers, les cousiniers, même les sacristains. Écoute-moi bien, garçon. Je peux t'appeler garçon. Moi, je suis quelqu'un qui a les larmes qui me montent aux yeux quand les bouchers viennent m'acheter des agneaux. Pourtant, je suis le même qui te dit maintenant. Tous, jusqu'au dernier, vous devez les tuer. Et note bien ce que je te dis. Quand ce jour glorieux viendra, si vous n'en tuez qu'une partie, si vous vous laissez prendre par la pitié ou par la même nausée du sang, ce sera un péché mortel. Ça sera une vraie trahison. Celui qui, ce jour-là, ne sera pas sali de sang jusqu'aux aisselles, ne venez pas me dire qu'il est un bon patriote. Soyez tranquille. 10 000 temps, père et moi. Et plutôt que de penser qu'on en pardonnera un seul... Il a une chance à compléter la phrase. Et avant qu'il ne soit hors de portée, il entendit l'un de ses paysans dire paisiblement. C'est pas bizarre qu'il n'ait pas encore neigé à cette époque-ci. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti. Et bonne journée à toutes et tous. Bienvenue sur Radio Galère, le 88.4, avec l'émission Che Casino però ci voleva. On est à la deuxième émission, tous les premiers mercredis du mois. Et on a commencé avec une lecture, un extrait du bouquin Una questione privata di Beppe Fenoglio. Et on fait, pour commencer, on va bien commencer par un petit résumé de ce qu'on avait dit l'autre fois pour. Juste rappeler qu'on est hébergé par l'émission Libre Débat qui nous offre très généreusement un mercredi par mois pour parler de l'histoire des luttes autonomes en Italie. Donc voilà, on va revenir sur l'émission précédente. Avec un... Oui, bah alors, Che Casino però ci voleva, quel bordel, mais c'était nécessaire. On rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Et parce que ça va être une émission bordélique dans la manière et dans la matière. Et donc aujourd'hui, on a commencé par cet extrait. Et il s'agit d'un roman dont le titre en français est Une affaire personnelle. Et est un roman qui se déroule pendant la Résistance. Et le criminel est Beppe Fenoglio. Et on a commencé par cet extrait parce que, évidemment, il s'agit d'antifascisme. Et on avoue la dernière fois comment la fin de la guerre n'avait pas du tout été soulageante pour tous ceux et celles qui avaient engagé toute leur vie pour quelque chose qui n'était pas que la lutte contre le fascisme, mais également l'espoir et la croyance dans une transformation radicale de la société du pays, de l'Italie, dans quelque chose de complètement différent. Mais après la guerre, pas seulement, ça n'était pas du tout arrivé, mais encore, la plupart des fascistes, au contraire de ce qui espéraient ces vieux messieurs, ces vieux paysans dans les livres de Fenoglio, ils étaient encore tous là, impunis, alors qu'une bonne partie des partisans, au contraire, étaient d'un jour à l'autre devenus de bons les méchants et étaient inculpés et persécutés. Ces livres, Une affaire personnelle, c'est intéressant parce que c'est un livre dont Calvino dit que ça représente toute la littérature de la résistance. En gros, tous les écrivains qui avaient participé, qui avaient été partisans, après, pendant des années, ils ont tous essayé d'écrire, qu'est-ce que d'exprimer à travers la littérature, qu'est-ce que ça avait été, qu'est-ce que ça avait représenté dans leur vie. Et Calvino dit que c'est qu'avec ces romans-là que finalement cette époque c'était un peu terminé, parce que ces livres vraiment ça représentait ça. Et l'histoire de ces livres, c'est l'histoire d'un partisan qui décide un jour dans une réconnaissance avec un camarade d'aller voir la maison où habitait la fille dont il était amoureux. Et là, il découvre que, en parlant avec la bande de la maison, que cette fille, elle avait eu probablement une histoire avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre était aussi un partisan comme lui, mais qui était engagé dans un autre bataillon. Et donc, à partir de là, Milton, c'est les protagonistes qui ont entendu parler au début de l'émission, il sera complètement engagé dans la recherche de son camarade, parce qu'il veut absolument savoir si cette histoire est vraie. Et donc, il est complètement détourné de sa mission, même si c'est en plein milieu de la guerre. Et les morceaux qu'on a lus, l'extrait qu'on a lu, c'est assez représentatif, parce que alors qu'en face de lui, il se trouve des personnes qui se sentent comme ces vieux se sentaient, et qui transmettent assez bien tout ce qui s'est passé aussi après la guerre, quand énormément de gens ont été déçus par comment avait abouti la résistance. Et lui, il est complètement détourné par tout ça. Et donc, il y a un effet de distanciation. Et, mais Calvino, il dit que, il parle de ces romans-là comme la fin d'une époque qui est, pas la fin, mais comme quelque chose de très représentatif d'une époque, disons, culturelle, qui a commencé doucement après la fin de la guerre, qui est celle du néoréalisme, qui donc s'exprimait dans la littérature, mais aussi également dans les cinémas et dans les arts en général. Et c'est un peu pour ça, pour les cinémas de ces années-là, et probablement l'un des cinémas les plus connus comme cinéma italien à l'étranger. Et en tout cas, Calvino, elle parle de ces années-là qui suivaient la guerre comme quelque chose comme une vraie explosion littéraire. Une espèce de fait qui n'était pas qu'un fait d'art, mais c'était un fait physiologique, existentiel et collectif, et qui venait de ceux qui avaient vécu en tant que la plupart d'eux, comme partisans et comme des personnes qui s'étaient engagées pour transformer l'Italie. Et là, il dit que, alors que beaucoup de gens parlent du néoréalisme comme de quelque chose où il y a eu une contamination entre la littérature et les arts, et des choses qui allaient au-delà, qui appartenaient à la réalité. Mais au contraire, il dit que ces éléments-là, c'était des espèces d'énormes rochers indiscutables qui étaient un donné des natures. Et Et dont les problèmes étaient de comment transformer tout ça dans un monde qui était le monde et que c'était le monde qu'ils voulaient transformer. Donc voilà, tout ça pour un peu se replonger dans l'ambiance qu'on a essayé de transmettre la dernière fois. Et donc pour rappeler un peu la situation, peut-être on peut revenir un peu sur les chiffres de l'amnistie qu'on appelle l'amnistie Togliatti après la guerre, et pour comprendre bien pourquoi la plupart des gens ont été dessous et ouais, même plus que dessous. Et ouais, les gens étaient vraiment plus que déçus parce que du coup il y a eu donc après la libération, le processus de républicanisation et tout ça, il y a eu plein de procès qui ont été intentés ou plein de gens qui ont été arrêtés pour leur participation à l'appareil d'État fasciste ou à la police fasciste. Et au total, c'est 43 000 personnes qui, après la libération, ont été concernées. Donc on a 23 000 qui ont été amnistiées et 14 000 autres qui ont été libérées directement. Et au final, il y a eu 5 928 condamnations, dont 5 328 ont été libérées à la suite d'amnisties de grâces diverses. Et donc cette année, après la chute du fascisme, donc en 1952, il restait en prison plus que 266 condamnés. Donc comme on l'a déjà dit la dernière fois, mais on le répète, c'est à peu près, pour se donner une idée, le même nombre que le nombre des militants de la lutte armée des années 70 et 80 en Italie, qui sont encore en prison 30 ans après. Et donc, voilà, on appelle ça l'amnistie Togliatti. Togliatti, c'était le secrétaire du Parti communiste à cette époque-là, et on a vu un peu comment il s'est fait... comment il s'est fait évincer, lui et le Parti communiste, du nouveau gouvernement, qui est en train de se former en Italie. Et pourquoi est-ce que, justement, le Parti communiste se fait évincer petit à petit pour finalement se retrouver complètement hors du gouvernement? Et ben, c'est notamment parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a en quelque sorte la Troisième Guerre mondiale qui commence, à savoir la Guerre froide. Et donc, le modèle fasciste étant tombé officiellement, on va dire officiellement parce qu'en 40, faut savoir qu'en 49, il y a 90% des membres de l'appareil d'État fasciste qui étaient revenus dans leurs fonctions. Qu'à partir de 1947, on a recommencé à introduire les anciens policiers de la police nationale italienne dans la police nationale républicaine. Et que du coup, on a recommencé, enfin les textes et les lois de maintien de l'ordre, ils ont commencé à être rediscutés, les textes qui étaient en vigueur sous le fascisme ont été rediscutés à partir de 48-49, et encore. Et c'est exactement le moment où aussi on a décidé de garder tous les préfets fascistes. Du coup, en gros, tout l'appareil d'État, tout l'appareil répressif, il est gardé comme ça. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie des États-Unis au niveau mondial au sein de la guerre froide. Parce qu'à partir de 1942, aux États-Unis, du coup, 1942, il s'est passé un truc assez marrant aux États-Unis, enfin si on veut, qui était Pearl Harbor. Ou du coup, pour si jamais les gens savent pas ce que c'est Pearl Harbor, c'est les bombardiers japonais qui ont complètement bombardé avec des attaques kamikazes, mais pas que, ce port aux États-Unis. Et les États-Unis n'avaient pas du tout prévu ça. Et donc à partir de là, ils se sont rendus compte que leur système de renseignement extérieur était complètement nul, complètement foireux. Et c'est à partir de là qu'ils ont réorganisé toute leur infrastructure de renseignement au niveau mondial. Parce qu'ils savaient aussi que la Deuxième Guerre mondiale était sur le point de finir et que du coup il allait y avoir des nouveaux ennemis, des nouveaux périls et des nouvelles menaces géopolitiques qui étaient donc représentées par l'URSS à cette époque-là et par le péril communiste. Et donc, il y a une ingérence américaine super forte en Italie. Ils participent à la libération en arrivant depuis le sud, depuis la Sicile, et remontent petit à petit au fur et à mesure que les villes sont libérées. Et ils mettent en place tout un système pour... à travers la politique, à travers les menaces, à travers la psychologie, pour recréer des services secrets en Italie qui soient complètement inféodés aux services secrets américains. Et du coup, en 1949, il y a le CIFAR qui est créé, qui est du coup le service secret italien, et qui se met à étudier la création d'une organisation clandestine de résistance, et là je vais citer, tant pour uniformiser et rassembler dans un cadre opérationnel toutes les structures militaires italiennes et celles des pays alliés pour devancer des initiatives qui pourraient être prises de façon autonome en Italie septentrionale par un pays étranger. Du coup, par un pays étranger, on entend évidemment l'URSS. Et à partir de 1952, il y a un plan qui s'appelle Démagnétiser, qui qui est conçu pour lutter contre le danger communiste en Italie et en France. Parce que c'est bien de faire des liens un peu. Il a pour objectif une série d'opérations politiques, paramilitaires et psychologiques, destinées à diminuer le pouvoir du Parti communiste en Italie. Il s'agit de diminuer l'influence des partis communistes, leurs ressources matérielles, leur influence sur le gouvernement italien et français, et en particulier au sein des syndicats, afin de réduire au maximum le danger de voir le communisme s'installer en Italie et en France, au mépris des intérêts des États-Unis dans ces deux pays. La limitation du pouvoir des communistes est un objectif prioritaire qui doit être atteint par tous les moyens. Ce document stipule encore que les gouvernements français et italiens ne doivent pas être mis au courant de l'existence du plan, étant évident qu'il peut s'agir d'une ingérence à leur souveraineté nationale. Et du coup, ça crée tout le scandale de ce qu'on a appelé le CID parallèle, et du coup des services secrets italiens, dont l'État italien n'avait pas du tout connaissance, et qui ont été à la base de pas mal de tentatives de coup d'État avortées avant qu'elles n'aient lieu ou pas. Du coup, entre l'immédiat après-guerre, dès les élections, la constitutionnalisation en 46 ou les élections en 48, mais aussi jusque dans les années 70, mais ça on va pas en parler maintenant. Et du coup, parallèlement à ça, les Américains, ils cherchent les dépôts d'armes des partisans qui n'ont pas voulu rendre les armes, comme par exemple la Volonté Rossa dont on a parlé la dernière fois. Ils cherchent par tous les moyens à empêcher le Parti communiste italien d'avoir ce poids-là. Parce que le Parti communiste, contrairement en Allemagne où il a été égalisé, il n'a pas été illégalisé après la guerre mondiale en Italie, pour plusieurs raisons. Parce qu'il représentait un tiers de la population italienne à cette époque-là. Et que du coup, c'était un certain degré de peur et de tension qui risquait d'accompagner une éventuelle illégalisation. Et du coup, il a fallu leur trouver d'autres... il a fallu trouver d'autres palliatifs pour arriver à les dégager, notamment soutenir l'émergence de groupes néofascistes. Et on rappelle qu'il y a le MSI, le Mouvement Social Italien, qui est en gros la renaissance du parti fasciste, qui naît dès 1946. Et que le 31 mars 1946, il y a le Haut Commissariat des sanctions contre le fascisme qui va être dissolu aussi. Et du coup, en fait, toute la politique italienne après-guerre est vraiment prise dans les trames des services secrets mêlés entre l'Italie, les États-Unis et la guerre froide. Et du coup, tout le but est de constituer un réseau qui va être un réseau international et qui va être constitué en 1956 pardon, et qui s'appelle le réseau Gladio. Du coup, le réseau Gladio, c'est un réseau international des polices et des armées essentiellement pour lutter contre, pour en gros lever des insurrections si jamais les communistes devaient prendre le pouvoir par la voie des armes ou par une insurrection. Par exemple, en Italie, ça se traduisait par un plan d'occupation de la Sicile et de la Sardaigne par les armées américaines et alliées en cas d'une insurrection qui porterait les communistes au pouvoir. Et justement, la dernière fois, on a vu la paire d'une intervention américaine juste pendant les jours de l'attentat au Yati. Et du coup, même le Parti communiste, il a essayé de calmer les militants du Parti communiste qui étaient descendus dans la rue parce que la peur c'était toujours d'une intervention américaine au cas où la situation devenait pas gérable par les forces politiques en ce moment. Et là on peut écouter un morceau et on va écouter un groupe qu'on n'a jamais écouté ici dans cette émission, I Corvi. Ben, c'est un groupe qui a marqué un peu l'histoire de la musique italienne. L'un des premiers groupes non conventionnels des années 60 en Italie. Et ça, c'est Sono un ragazzo di strada. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. E sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada. Alors, on a écouté I Corvi sono ragazzo di strada. Les titres, ça signifie en gros je suis un mec qui vient de la rue. Et bon, cette chanson, on revient un peu sur les thèmes du début avec les romans, dans cette tension entre la grande histoire et la petite histoire. Et la chanson, c'est une histoire d'un mec qui parle à une fille qui est plutôt bourgeoise. Et lui, il dit non, mais moi, je viens de périphérie, et je ne fais pas la vie que tu fais. Tu es en train de te moquer de moi parce que moi, je ne peux pas comprendre ta vie. Et bah, d'un côté, donc, ce groupe, il est assez représentatif parce que quand même, c'est du rock et du beat, mais à l'italien et à la langue italienne. Et donc, on reproduit tous les modèles et aussi la culture qui vient des États-Unis, et, comme on vient d'en parler. Mais aussi, dans la thématique de la chanson, il y a déjà cette question des grandes villes de nord d'Italie qui s'agrandissent parce que il y a une énorme migration interne qui commence, mais on va en parler après. Et du coup, il y a un appauvrissement incroyable dans les villes. Et voilà, donc c'est les mecs de la chanson, ça peut nous rappeler un gens de la périphérie ou peut-être un gens ouvrier ou quelque chose comme ça. Mais avant de parler de ça, on va revenir sur l'ingérence des États-Unis en Italie, qui c'est quand même un argument jamais épuisé. Surtout que, en fait, c'est juste pour parler très rapidement du lien entre l'ingérence des États-Unis et la mission qu'on a faite avant sur la permanence des fascistes. C'est que tout le réseau Gladio, il comptait notamment sur l'essentiel des carabiniers et d'une loge maçonnique qui s'appelait la loge P2, dans laquelle étaient présents tous les chefs de l'armée, les chefs politiques et des trucs comme ça, qui était une loge qui était très liée au mouvement néo-fasciste. Et qui du coup, enfin tout ça pour dire que ce lien fasciste à la politique, il a perduré tout au long des années 50, tout au long des années 60 et des années 70. Les principaux responsables de la répression des mouvements autonomes des années 70, ils faisaient partie de ces loges-là. Enfin bref, tout ça pour dire ça. Et pour dire que cette ingérence américaine en Italie et notamment en Sicile, par exemple, on la voit encore aujourd'hui même, avec l'installation en Sicile d'une base américaine, d'antennes en fait, qui servent à contrôler toute la marine américaine. Il y en a quatre comme ça dans le monde entier, dont une en Sicile. Dans une ville qui s'appelle Niscemi. Et il y a un mouvement là-bas contre l'installation de ces antennes et contre l'impérialisme qui a cours en ce moment même. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les sites de NoMuos, M-U-O-S. Et je pense qu'il y a des gens qui seront très intéressés et très contents si ces trucs-là sont relayés. Oui, ensuite, la présence des bases américaines en Italie, c'est bien sûr pas nouveauté. Ces trucs de Nishami, c'est juste un plus. Et par exemple, justement, depuis ces années-là, à l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, l'un des slogans que je crois tout militant a pu entendre dans toute manif depuis sa jeunesse, c'est quelque chose qui dit genre « jetons à la mer les bases américaines » ou quelque chose comme ça. Et la présence des militaires américains, c'est quelque chose qui est très fort, donc on ne peut pas s'éviter de la remarquer, disons, dans les villes. Il s'est même dit que l'Italie était une colonie américaine. Oui, ça, oui. Et par exemple, moi je viens d'une ville qui est Vérone, dont à peu près les 90% du sol est partagé en termes de propriété entre l'église et l'armée américaine. Comme ça, pour donner une idée sympathique. Je savais que c'était une ville sympa. Oui, mais bon, on revient à nous. Et après la guerre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce sentiment répandu qui a un sentiment de déception. Et bien sûr, il est dû au fait que tous les fascistes sont encore là, mais il est dû aussi au fait que les conditions des gens sont vraiment assez misérables. Enfin, il y a une condition de pauvreté. Mais du coup, dans ces moments-là, il y a une sorte de décalage parce que grâce aussi, bien sûr, à l'ingérence américaine et au plan Marshall, il y a aussi, et au fait que dans ces moments, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie commence disons, à rentrer aussi un peu en retard par rapport au reste dans les systèmes économiques du taylorisme fordisme. Donc c'est un moment où à la fois encore il y a une extrême pauvreté, mais il y a tout de suite un mirage de la possibilité d'améliorer ses propres conditions. Et doucement, l'industrialisation qui se met en place. Et l'un des phénomènes qui est le plus remarquable dans ces moments est celui donc, de la migration interne. Parce qu'on a parlé même la dernière fois, mais depuis que l'Italie est devenue un pays unifié, il y a eu un gros décalage entre le nord et le sud. D'ailleurs, l'idée de rajouter aussi le sud d'Italie était un peu comme ça, faite par hasard à cette époque-là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, il y a énormément de personnes qui commencent à migrer du sud où, encore, on l'a vu la dernière fois, à la fin de la guerre, il y avait des luttes pour la réappropriation des terres. Il y avait encore des gros propriétés. Et donc, la situation n'était pas du tout réglée et il y avait des problèmes qui s'est présenté. La réforme agraire date de quelques années après la guerre aussi. Il y avait des problèmes qui s'y présentaient qui n'étaient pas du tout les mêmes que, par exemple, au Nord. Du coup, pour donner une idée, dans ces moments, on compte qu'entre les 1951 et les 1961, il y a 1 700 000 personnes qui ont quitté le sud de l'Italie. Bon, après, on peut dire que cette migration du sud de l'Italie, ça ne s'est jamais arrêté. En fait, il y a des régions comme par exemple la Calabre qui se vide d'un an. Mais donc, ensuite, la migration n'est pas que du sud au nord. Bien sûr, cette migration-là est celle qui est la plus remarquable en termes de quantité et aussi au niveau d'imaginaire. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a énormément de gens qui viennent d'un contexte complètement différent que celui des villes qui sont les destinations privilégiées, comme par exemple Milan ou Turin, parce qu'il y a l'industrie de la Fiat. Et c'est des gens qui viennent d'une vie de paysans, d'un contexte qui est encore fortement des campagnes, avec qui ne connaît pas du tout la dynamique des grandes villes et qui arrivent avec leur il y a tout un imaginaire qui est lié à cette immigration qui dit que donc l'immigré qui arrive du sud, il arrive avec sa valise en carton et il n'a pas où s'installer. Donc dans ces moments, par exemple, il s'installe dans les périphéries des grandes métropoles du nord. Et il y a des entières familles, ou même plus qu'une famille, qui sont entassées dans une seule chambre. Et donc, il y a un vrai problème, par exemple, de logement qui se pose. Et encore un autre des stéréotypes qui circule, c'est celui que les migrants du sud, ils arrivent avec sa valise en carton. Et puis, on disait qu'ils plantaient du basilic même dans les casseroles et dans les baignoires, parce que, bien sûr, dans la périphérie de Turin, il n'y avait peut-être pas moyen de planter du basilic. Et sur cette relation de la migrée pauvre et de cet impact un peu violent avec la métropole depuis la campagne. Il y a un autre roman de Calvino, qui est Marco Valdo, qui est assez emblématique, si vous voulez le lire. Mais donc on disait, c'était pas que du sud qui venaient les migrants. Aussi, par exemple, le nord-est de l'Italie, c'est la région de Venise, c'était une région qui était extrêmement pauvre jusqu'à avant la guerre. et qui d'un coup commence. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui viennent de la région du Veneto qui, dans ce moment, migrent vers le nord-ouest, donc vers Milan et vers Turin. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié, mais parce qu'après, cette région, elle s'est enrichie très, très vite. Mais donc voilà, que ça, ça fait que il y a énormément de gens qui sont dans des conditions d'une extrême misère, mais que voient tout autour d'eux cette arrivée des modèles américains et qui donc font penser que ça soit possible de mener une vie différente. Et c'est pour reprendre un peu ce qu'on a dit au début, c'est les sentiments qui circulent dans ces moments en Italie, c'est la déception pour les résistances trahies, mais c'est aussi la souffrance pour les conditions de misère. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé l'émission avec ces morceaux sur l'antifascisme, parce qu'en fait, c'est les liens entre l'antifascisme frustré, disons, la résistance trahie, et les conditions matérielles où beaucoup de gens se trouvent, qui enchaînent, qui déclenchent plutôt des dynamiques assez particulières dont on va parler plus dans les spécifiques après. Et comme par exemple ce qu'on peut appeler la question ouvrière, et qui font que, en gros, même si d'un côté, comme on l'a vu bien la dernière fois, par exemple le Parti communiste et aussi le Parti socialiste, tous les partis de l'arc constitutionnel cherchent de pousser la reconstruction du pays et donc de faire en sorte que tout soit bien pacifié, qu'il n'y ait pas de conflits, en fait, l'Italie est en pleine encore... je ne sais pas si on peut dire... Ébullition. Ébullition, voilà, c'était ça. Et du coup, c'est notamment à cause de cet antifascisme trahi et des conditions de misère où, par exemple, trois ouvriers devaient se partager une chambre 8 heures. Il y en a un qui avait 8 heures un lit, ensuite c'était le deuxième qui avait les 8 heures suivantes, ouais. Ensuite c'était le troisième qui avait les 8 heures suivantes. Et tournait comme ça. Et la défaite de l'antifascisme qui ont créé une émigration non seulement interne mais aussi externe. Et du coup, il y a pas mal de gens qui, suite aux rêves américains, ont essayé d'émigrer aux États-Unis. Mais il y a des gens qui n'ont pas abandonné non plus leurs ambitions révolutionnaires ou antifascistes et qui ont rejoint les groupes de résistance antifranquistes en Espagne, notamment avec les groupes de guérilla anarchistes et tout ça, qui ont pour la plupart été complètement massacrés d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que l'histoire de ces résistances-là, elle ne s'arrête pas aux frontières des pays et que c'est la lutte contre les conditions de misère qui les a poussés à faire ça. Oui. Donc peut-être avant de voir qu'est-ce qu'ils donc vont faire toute cette masse de gens qui se retrouvent dans ces métropoles avec des travaux plus ou moins aléatoires, on va écouter une chanson qui peut être aussi assez représentative. C'est une chanson qui est chantée par Domenico Modugno, celui qui est de Volare. Peut-être vous le connaissez pour ça. Et cette chanson s'appelle Malarazza. Et les refrains disent à peu près tutti lamenti, ma che ti lamenti, piglia il bastone e tira fuori i denti. Ça signifie mais tu te plains, mais pourquoi tu te plains? Et prends un bâton et sors les dents. Et bon, c'est aussi une chanson traditionnelle du Sud, et donc ça date bien pour voir qu'est-ce qui va se passer du coup dans les villes du nord d'Italie. Parce que les gens vont prendre des bâtons et vont sortir les dents, justement. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa, d'inciana piazza, pregava a Cristo un cruci e ci dicea: Cristo lume pagioni mi trapazza. passeggiata come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua manazza. Manco la vita mia, dici che mia. Distruggi la Gesù, sta mala razza. Distruggi la Gesù, fallo per mia. Fallo per mia. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. E Cristo mi risponde dalla croce, picchi si sono spezzati di dovrazza. Chi vuole la giustizia si la fazza. Nessuno ormai più la farà per te. Se tu sei l'uomo e non sei testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiudato un cruci non saria. S'avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiudato un cruci non saria. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Et bien retrouvé sous les fréquences de Radio Galère, 88.4 avec l'émission Che Casino, però ci voleva. Quel bordel, mais c'était nécessaire, tous les premiers mercredis du mois, sous les fréquences des Radio Galères. Et tout à l'heure, avant le début de la chanson, on parlait de l'immigration en Italie, en fait de l'immigration depuis le nord au sud, et l'immigration qui était, et à la, en même temps, et du sud vers le nord, et du nord-est, on a vu vers les villes les plus productives, notamment Milan et Turin, on l'a eu, il y avait la Pirelli, la Fiat, la Lancia, et toutes les usines les plus productives de l'époque. Mais aussi vers l'étranger, il y a eu pas mal de gens pendant une décennie qui ont immigré vers les États-Unis ou les autres pays européens. Pour ce qui concerne l'immigration vers les villes comme Milan et Turin, ça bien sûr, ça a porté un changement de l'organisation des villes urbaines. Ça, on a déjà parlé. Du coup, l'installation des quartiers ouvriers. Du coup, la séparation des anciens quartiers qui étaient un peu mixtes entre la bourgeoisie, la classe moyenne et les ouvriers. Il y a la création, notamment à Milan, des banlieues habitées que par les ouvriers, du coup des blocs, des bâtiments où la vie n'est pas des quartiers dortoir au final. Et au final, où l'accent de la ville est plus calabre que piémontais. Oui, voilà, et ça, il y a eu ça aussi, des quartiers entiers envahis par des travailleurs qui cherchaient du boulot et du coup qui bossaient toute la journée en usine, dans les usines, et retournaient à la maison juste pour dormir. Et à propos de ça, justement avec cette force ouvrière, les usines, elles commencent à produire. L'exigence dans ces moments-là, c'était d'augmenter la production et les soi-disant, les booms économiques étaient en partie déjà. Et du coup, avec cette excuse de la reconstruction, avec du boom économique, de la nécessité d'augmenter la production, on va voir aussi la diminution des droits des ouvriers, on va voir la limitation, on va voir une diminution des droits des grèves, déjà avec le 51, avec le gouvernement Shelba, qui, avec une loi qui limite en fait les droits des grèves envers les ouvriers. Et ça, il le justifie ? Juste, je rajoute un truc, ils le justifient parce qu'ils estiment que ces droits de grève, en fait, c'est des éléments subversifs qui auraient un but insurrectionnel et qui seraient à même de menacer le nouvel État républicain italien. Aussi, là, faut pas gêner la production, même si on parle des droits des ouvriers. Surtout. Et justement, les faits bizarres de cette époque aussi, c'est que les usines commencent à s'organiser. C'est-à-dire qu'à partir de 1953, au niveau historique, on peut voir qu'il y a une nette réduction des grèves à partir de 1953, notamment dans les usines les plus grandes comme la Fiat. Et pourquoi ? Parce que les usines s'organisent. Du coup, il y a des règlements, des normes internes aux usines dont le but, c'est de limiter la possibilité de grève ou d'isoler les sujets un peu révolutionnaires, ou, comme on l'avait appelé tout à l'heure, les bolcheviks, on va dire. Les mauvais patriotes. Les mauvais patriotes, voilà. Et du coup, notamment à la Fiat, en 1953, il y a déjà des actes d'intimidation envers les grévistes, envers les ouvriers, notamment les chefs des syndicats auto-organisés. À l'époque, les syndicats les plus forts à la Fiat, c'était la FIOM, c'était la branche spécialisée pour les travailleurs ouvriers du syndicat le plus grand italien, la CGIL. Et à travers... Comment ils font à travers une division en ouvriers, en bon ouvrier et ouvriers méchants, c'est-à-dire les ouvriers qui continuent leur travail même les jours de grève. Du coup, il y a des primes, pour les ouvriers qui ne font pas la grève. Il y a notamment des primes aussi pour les collaborationnistes. Eh bien, ouais. On continue à parler des collaborationnistes. Du coup, les ouvriers qui collaborent avec les chefs d'entreprise commencent à avoir des avantages par rapport aux grévistes. Il y a des intimidations personnelles envers les chefs des syndicats et un tentative en fait de mettre au centre de l'attention de l'ouvrier l'aspect économique de l'usine, c'est-à-dire de rendre l'ouvrier comme un vrai protagoniste de l'usine et du coup comme si l'ouvrier devait s'intéresser à la productivité et au bien-être de son usine, alors qu'à l'époque c'était plutôt l'esclavage, on pourrait dire. Ouais. Et encore maintenant. Ça a vachement changé. Ouais. Et non, maintenant, non, c'est plus de l'esclavage, non, non, non. Maintenant, on est libre, non, non? Ouais, on est en démocratie. Libre et heureux. Ouais. Et voilà, du coup, à partir de cette époque-là, il y a eu une chute, en fait, des droits des ouvriers. Du coup, la production en première est la plus importante. Et ça fait qu'accentuer, en fait, les contradictions des ouvriers, la rage des ouvriers qui commencent à s'organiser. On verra tout à l'heure que cet arrêt de grève de la part des ouvriers ne correspond pas tout à fait à un arrêt de la lutte ou d'essayer de contraster le capitalisme ou d'améliorer les conditions de travail, parce que en fait il y a tout un travail pendant les années 50 des ouvriers qui essaient de focaliser leur attention sur les dynamiques propres aux usines, sur les mécanismes de production, sur qu'est-ce que ça veut dire être ouvrier dans une grosse usine. Et ça s'appelle tout le travail de la corricerca, qu'on verra tout à l'heure. Et ça va mener aux confrontations aux grèves de 1962 à Turin, avec Piazza Statuto, mais c'est pas encore le cas de commencer sur ça parce que ça sera plus chaud. On verra bien. Et en attendant, du coup, toute cette situation italienne qui devient vraiment merdique, hein, on va dire, dans les usines, la situation des ouvriers qui sont représentés a priori par le Parti communiste, qui est le parti communiste le plus fort d'Europe à l'époque. Mais le Parti communiste, à cette époque, du coup, il tente de se maintenir au gouvernement, même s'il n'y arrive pas trop, comme on l'a vu. Et en plus, au niveau international, le Parti communiste commence à faire un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est un peu là le cœur de l'émission d'aujourd'hui et de celle du mois prochain, qui est le fait que tout au long des années 50 et des années 60, on voit un processus d'autonomisation des luttes depuis la base vis-à-vis du Parti communiste qui lui s'enfonce toujours plus, qui devient de plus en plus un parti de gouvernement et de répression. Et donc un des moments les plus significatifs de ça au niveau européen, c'est en 1956 quand il y a Budapest qui s'insurge, tout le peuple de Budapest s'insurge contre la présence soviétique. Et du coup, cette insurrection-là, elle est matée par les chars d'assaut russes qui viennent dans Budapest et qui, du coup, mettent fin à ce soulèvement populaire. Et donc, toute la propagande du parti, qui a été très largement reprise par le Parti communiste français, était de dire que les insurgés, c'était des fascistes et que, heureusement, grâce au grand parti, grâce au grand camarade Joseph, qui mourra pas longtemps après, on a pu remettre le peuple hongrois et roumain sur la bonne voie vers le communisme en attendant que ça se passe. Et d' ailleurs, à propos de ça, il y a Socialisme ou Barbarie, qui était un groupe conseilliste dans les années 60 en France, qui a écrit un petit texte qui sont des fausses questions posées au Parti communiste français, qui du coup a vraiment pris position pour dire que les insurgés étaient des fascistes, ce qui n'est absolument pas le cas, mais bref. Du coup, Socialisme ou Barbarie a fait ce truc-là, ça s'appelle l'insurrection hongroise, et c'est assez drôle à voir, ils se foutent vraiment de leur gueule, et ils poussent vraiment les positions, les déclarations du Parti communiste dans leur retranchement, et ils démontrent à quel point cette propagande est complètement merdique. Bon, et on peut dire à quel point le parti en lui-même est... Mais bon, ça... Ça, on en voit assez tous les jours, encore aujourd'hui, pour s'en convaincre. Bref. Ils ont déjà pris cher. De toute façon, ils sont inexistants maintenant. Bref, mais c'est pas de ça qu'on parle. Le Parti communiste n'a pas besoin de nous pour leur cracher à la gueule. Ils le font déjà tout seuls. Bref, tous ces charmantes personnes pleurent peu après la mort du camarade Staline, qui, du coup, ça va... On a des points levés dans la radio. Et du coup, bref, la mort du camarade Staline va restructurer aussi tout le projet communiste du Parti communiste au niveau international. Mais bon, ça après, il faudrait faire un truc pays par pays, c'est un peu le bordel. Mais par exemple, on a aussi au même moment, à la fin des années 50, la révolution cubaine avec Fidel Castro, Guevara et tout ça, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'était ni bolivien, il est juste mort en Bolivie, ni cubain, il a juste fait la révolution à Cuba, il était argentin. Mais du coup, la révolution cubaine qui gagne, on va dire. Et à partir de là, il y a tout un ensemble de théories insurrectionnelles qui viennent de l'Amérique latine et qui arrivent en Europe et qui sont reprises par tous les courants marxistes hors parti, on va dire, pour une nouvelle voie vers la révolution. Notamment la théorie qui est développée par Guevara et Debray, qui est la théorie... qu'on dit la théorie fauquiste, qui est en gros déclenché le plus de foyers d'insurrection possible pour que l'impérialisme et le capitalisme tombent. Et toutes ces années-là, les années 50-60, c'est aussi des années de forte mobilisation dans tous les pays colonisés, parce qu'on rappelle que la France est une grande puissance mondiale et c'est ça qui fait notre fierté, parce qu'elle elle arrive à servir absolument des peuples dans le monde entier. Youhou! Et du coup, tous les peuples en question s'engagent dans des luttes de décolonisation super fortes. Et donc, ça participe un peu à cette ébullition, à cette remise en cause, encore une fois, de l'État, qui en Italie était un État déjà neuf et qui, avec la reconstruction, était encore plus neuf. Et la remise en question par ces luttes de décolonisation contre les États européens et nord-américains contribue a créé un climat de déstabilisation qui va aussi trouver dans le néo-marxisme et dans les théories opéraïstes une façon de se réorganiser. Et tout ça dérive aussi des situationnistes qui, à l'époque, reprennent les théories conseillistes à leur compte. Bref, c'est tout un flot théorique duquel on pourrait parler pendant des nombreuses émissions. Donc, pendant de nombreuses émissions, mais on va essayer notre camarade des années 40, qu'on n'a plus au téléphone cette fois, mais cette fois en live, va essayer de nous développer un peu. Qu'est-ce que c'est cette théorie opéraïste ou ouvriériste Je pense que là, on a pas mal parlé, c'était très dense, donc il serait pas mal de faire une pause, mais je vais essayer d'introduire la pause quand même. Et du coup, en fait, je reviens un peu à ce dont on parlait, c'est-à-dire la migration interne et le fait que ce qui se passe du coup maintenant, c'est qu'il y a quand même des masses de gens qui sont pauvres, des nouveaux gens qui sont pauvres dans les villes et qui sont prêts à faire tout travail. Alors vu que le pays, il est sur la voie finalement de l'industrialisation, et ben la plupart des gens seront employés dans des usines comme peut être la Fiat à Turin. Ou par exemple, c'est un autre pôle qui sera important pour ce qu'on appelle l'opéraïsme, sera l'usine pétrochimique de Porto Marghera, qui est le port industriel de Venise. Même si là, bien sûr, il n'y a pas la même situation d'immigration. Mais donc, ce qui se passe, c'est que Il y a une technologisation des machines dans l'industrie, ce qui fait que les ouvriers, ils n'ont plus forcément les mêmes tâches qu'avant. Et surtout, c'est des tâches qui sont beaucoup moins spécialisées, et beaucoup moins ciblées et qui sont beaucoup plus mécaniques et répétitives, etc. Donc, quand on parle de ça, on dit que... Tous ces nouveaux gens qui sont là, donc c'est des gens qui peuvent être employés dans des tâches qui sont à peu près équivalentes, même si c'est dans des usines très différentes. Et donc c'est des ouvriers pas spécialisés. Et ensuite, l'opéraïsme a appelé cette nouvelle figure comme l'ouvrier masse. Et pour se faire une idée de ça, donc je pense qu'on peut écouter un morceau d'un film qui s'appelle La classe operaia va in paradiso, La classe ouvrière va au paradis, qui est un film de Elio Petri, qui est un des plus grands réalisateurs italiens de cette période-là, qui s'inscrit aussi dans le néoréalisme dont on parlait. Et celui-là, il est un de ses films les plus connus. Et les protagonistes, il est justement un ouvrier masse. Et là, on voit comment il explique, comment est-ce qu'il fait pour mener tout le temps ce travail hyper répétitif, hyper chiant. Et il explique qu'en fait, à chaque fois qu'il répète les mêmes gestes à l'infini, il pense au cul de sa collègue, genre la seule femme qui est dans l'usine, et en pensant à ça, il arrive à continuer son travail. Sauf qu'après, dans les films, en faisant ça, il pète un doigt, et c'est là qu'après il commencera à protester. Mais bon, pour ça, vous pouvez voir les films. Donc on va écouter Gian Maria Volonté, pour le coup, l'acteur, aussi également un des plus grands acteurs italiens de l'après-guerre, dans La classe operaia va in paradiso. Quelli lì, tutti pecoroni. Parlano. Ma poi al momento buono si caga sotto. Se ne fregano quelli lì. Magari c'hanno un pezzetto di campagna. Io non c'ho niente. Io ho la porta a oro, solo quello. Ma io me ne frego, io mi concentro. Io penso al culo della Dalgesa, guarda un po'. Ai che la gara Dalgesa! La gadiccia che pare il passino a turni d'ur! Giovanotti, guardare, imparare. Io sono già concentrato. Io sono già in un altro mondo. Pensare solo al petto, anche se non serve a niente. Ogni pezzo è un buco, ogni buco è un petto. Basta non cascare nel buco, per non cascare in questo buco. Pensare al culo della Dalgesa! Chiaro il concetto? Come spiegavo la mense, è tutta una questione di tecnica, no? Io mi fisso col cervello e penso al culo della Dalgisa e via che vado. Un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo. Un pezzo. E coroni. Bon, allora, ça c'était la Maria Volonté. On fera une émission sur le féminisme un de ces jours. Oui, bien sûr. Ça rentre aussi dans les plusieurs thèmes de tout ça. Et en tout cas, donc, qu'est-ce qui se passe dans les usines ? Alors, ce qui se passe, on a parlé avant, en parlant des droits de grève, etc., c'est que dans les usines, les organismes qui représentent les ouvriers, eh ben, c'est les comités de fabrique, les comités des usines, mais le problème, c'est que ces comités de fabrique, c'est des directs émissaires des partis, donc des partis communistes, des partis socialistes. Et donc, c'est, bien sûr, ils ne représentent pas du tout les besoins des ouvriers, mais ils représentent les exigences et les nécessités des partis, donc pour les partis communistes, la pacification, et pour les partis socialistes, l'entrisme. Et du coup, ce qui devrait être le travail d'un syndicat, c'est-à-dire essayer d'établir un rapport des forces avec le patronat, eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, en fait, c'est dont on parlait avant, c'est-à-dire les patronats, enfin, dans les usines qui cherchent à impliquer les ouvriers dans cette mission de l'usine, qui ont quelque chose qui les regarde directement dans sa vie. Bah, en fait, ça ne marche pas du tout, parce que c'est dans ces moments en Italie qui commencent à se développer enfin, les luttes les plus radicales et qui vont devenir les plus insurrectionnelles qu'on a presque jamais connues. Parce que ce qui se passe, c'est que déjà, en fait, une bonne partie de ces gens, de ces ouvriers masses, donc, c'est pas forcément des gens qui votent le PCI ou le Parti communiste, au contraire. Et ils se sentent pas du tout représentés par ces syndicats. Ils se rendent vite compte que ce que les syndicats font, ça va pas du tout dans la direction de leur intérêt. C'est un peu les débuts de l'autonomie, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, ils vont se dire, mais nous, en fait, on doit essayer d'organiser, ne pas à partir de ce que le syndicat dit, mais à partir de ce qui sont nos besoins, nos nécessités, nos exigences. Et bien sûr, c'est des personnes qui ne sont pas forcément très attachées à leur travail, vu que c'est des travaux qu'ils n'ont pas spécialisés, qu'ils ne font pas depuis toute une vie, mais que peut-être ils ont commencé comme ça, en quittant leur bled au sud, etc. Donc d'un côté on a ça, de l'autre côté par exemple à Porto Marghera à côté de Venise, on a peut-être une situation un peu différente, c'est-à-dire que oui, il s'agit de la plus grande usine, c'est les pétrochimiques, donc on a des ouvriers que c'est des gens qui travaillent dans l'usine chimique. Et c'est bien sûr des ouvriers spécialisés, mais les types d'usines qui font un travail qui est très dangereux, qui est vraiment nuisant pour la santé. Et du coup, là, l'enjeu syndical, ça serait plutôt celui d'essayer de faire en sorte que, de les mettre un tout petit peu en sécurité, voilà, même s'ils font un travail qui est tellement dangereux. Mais ce qui se passe, c'est que là aussi, les ouvriers ils se rendent compte qu'en fait, leur problème, ce n'est pas que le travail soit moins nuisant. Parce qu'en fait, c'est le travail en soi qui est nuisant. Ce n'est pas que leur travail en tant que... Ils s'occupent des matériaux qui sont très dangereux pour la santé. Il y a, dans ces moments, plusieurs morts sur le travail. Et c'est après ça que en fait ils commencent à comprendre qu'il faut qu'ils discutent entre eux sur quels sont leurs besoins et quelles sont leurs revendications et que ça se passe absolument en dehors de ce que le syndicat vaut, parce que le syndicat ne vaut que les intérêts du parti, en fait c'est un direct émissaire. Et du coup ils commencent à concevoir que ce n'est pas du tout le type de travail qu'ils font, mais c'est le travail en soi qui est quelque chose qui est nuisant pour la santé de l'homme en général. Ce qui n'est pas faux du tout, et que du coup, il faut, et que même c'est pas eux qui ont décidé de produire ce qu'on produit dans les pétrochimiques à Marghera, et que c'est pas forcément d'où qu'il faut produire ça. Or, ce qui se passe dans ces moments, c'est que si d'un côté il n'y a bien sûr pas que des ouvriers, mais il y a d'autres choses qui se passent. Par exemple, notamment, il y a des mouvements d'étudiantes du lycée et des universités qui commencent à bouger. Et dans ces moments-là, il y a vraiment une rencontre entre les ouvriers et les mouvements étudiantes. Et donc, comment nous raconte ces plusieurs personnes qui sont encore vivantes et qui ont vécu cette expérience-là. Il y a vraiment une rencontre où donc les gens qui viennent des mouvements étudiants apportent aux ouvriers des choses qui ne sont pas forcément leur, très familières, comme par exemple les libertarismes, le fait d'être anti-autoritaire, ce qui contribue à la formation des groupes autonomes qui font leurs revendications au-delà de... de la forme au-delà du syndicat en fait, et même contre le syndicat. Alors là, pour couper un peu, on peut écouter une chanson qui va toujours nous produire un petit effet de distanciation. Et c'est une chanson qui s'appelle Marghera, donc pour le coup. Et comme je disais, Marghera, c'est le port industriel de... Bah, même pas de Venise, de Mestre. Vous savez, Venise, c'est une espèce d'île en forme de poisson. Et juste en face, sur la terre, il y a Mestre, qui est la ville sur la terre qui lui correspond. Et le port industriel de Mestre, c'est Marghera. Donc on a tout cet imaginaire de Venise comme la ville romantique, touristique, etc. Mais moi, quand je prends les trains qui traversent les bouts de mer qui amènent à Venise, au contraire, en fait, je tourne la tête vers la droite. Et là, il y a, pour les passionnés d'archéologie industrielle, c'est très joli, les pétrochimiques de Porto Marghera qui marchent toujours et qui est toujours là. Et qui nous rappelle toute cette histoire de lutte ouvrière. Et sur ça, il y a une chanson d'un groupe qui s'appelle Pittura Fresca. C'est un groupe qui faisait du ska, chantait un dialecte de Venise, et qui dit en gros, là, du coup, on est après, bien après tout ça, autour des années 90. Et qui dit, Marghera, ça serait beaucoup plus saine si en lieu de toutes ces usines, il y avait des champs, des maïs, des tomates et des marijuana. Et comme ça, on revient à la nostalgie du sud, du bled et du village, etc. Et allez. De la marijuana. Pensez que bien dite, ogni anno in Italia mor 30.000 personnes de alcool. Ogni anno in Italia mor 20.000 persone di tabacco. Ogni anno mor 1.000 persone di eroina. Ricordate, di marijuana non si è mai morto nessuno. Assicuremo che non sei un bido, l'erba non ha mai fatto male a nessuno, a Marghera niente o femo presente, che parole si aria buona pania, di essere presente, Marghera senza fabbriche saria più sana, la giungla del panoce pomodori e marijuana, Marghera senza fabbriche saria più sana, la giungla del panoce pomodori e marijuana. Siamo sempre tutti contenti, mandiamo ancora il mondo più avanti. Se qua soprattutto tanto non ti scampi, buttiamo sulle fabbriche e coltiviamo i campi. Marghera senza fabbriche saria più sana, la giungla dei panocci e pomodori e marijuana. Marghera senza fabbriche saria più sana, la giungla dei panocci e pomodori e marijuana. Nove bombe, intanto ni altri se femo e trombe, fuma in ciminiere, intanto in inquina, far sopporta staria, bevo tanta birra spina, Marghera senza fabbriche saria più sana, la giungla del panoce pomodori e marijuana, Marghera senza fabbriche saria più sana, la una giungla di panocchi e pomodori e marijuana. Marghera. Alors, on revient à ce qui s'est passé donc à Marghera, d'où on a écouté ces morceaux. Et en fait, c'est que la particularité de ces moments-là, c'est que du coup, on disait il y a ces rencontres entre les mouvements ouvriers et les mouvements des étudiants, mais il y a aussi un troisième élément qui intervient, et c'est l'élément qui provient des facs en fait de l'université, parce que dans ces moments, il y a aussi en fait toute une série de chercheurs, d'intellectuels qui sont des professeurs. Dans ces cas-là, quand on parle de Venise, c'est notamment de l'université de Padoue, mais c'est la même chose par exemple à Turin, qui commencent à vouloir s'intéresser à qui sont ces nouveaux sujets qui, voilà, c'est pas des ouvriers comme les partis communistes voudraient qu'ils soient, c'est-à-dire prêts à instaurer le communisme dans leur sens, le sens de la pacification, etc. Et qui donc commencent à dire, bah, la seule chose qu'on peut faire pour comprendre c'est qui ces gens, c'est d'aller les connaître et de les rencontrer pour voir qu'est-ce qu'ils nous racontent, etc. Et donc il y a toute une série d'intellectuels comme par exemple Toni Negri, Luciano Ferrari Bravo, Alisa Darré et beaucoup d'autres à Turin, Romano Alquati, Raniero Panzeri, etc. qui commencent carrément à passer leur journée, à s'élever à 5 heures et aller devant les usines pour rencontrer les ouvriers lorsque ils rentrent dans l'usine. Et donc c'est ce qui produit ces rencontres entre les étudiants, les ouvriers, les intellectuels, etc., fait qu'en fait, entre autres, bah, ça je pense, c'est eux-mêmes qui disent ça, il ne fallait pas forcément qu'il y ait des intellectuels qui vont pour leur dire, les ouvriers se sont rendus compte toutes seules de certaines choses, mais ce qui était important après, c'était de connaître les plusieurs parties. Mais en gros, les ouvriers, si d'un côté, ils se disent que leur problème, ce n'est pas de rendre les travail plus sourds, mais que le problème, c'est le travail en soi. Ils se rendent compte aussi que, en fait, c'est eux qui ont les savoirs qui fait marcher l'usine, et que du coup, en fait, ces savoirs qu'ils ont, parce que c'est eux qui font démarrer l'usine, c'est représente aussi leur pouvoir. Et c'est là, depuis cette intuition qui s'articule les travaux avec les étudiants et les chercheurs. Et donc, quand ils se disent, pour faire nos revendications, on doit partir de nos besoins, de nos nécessités, etc. Et comment on fait pour l'élargir, pour agrandir notre lutte et pour la rendre plus puissante et pour faire en sorte qu'il n'y a même pas un ouvrier qui donc va voter pour le syndicat du PCI et qui va être d'accord avec les accords, parce que du coup, quel est le problème dans ce moment, c'est que il y a plusieurs syndicats dont un est lié au Parti communiste, mais les autres, ils sont liés aux autres partis et qui sont encore plus connivantes avec les pouvoirs. Et donc, en fait, il y a l'intérêt des syndicats dans ce moment est celui de faire des accords. Et pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'ouvriers qui adhèrent à ce type de logique des syndicats, les ouvriers commencent à pratiquer ce qu'on appelle l'auto-enquête et la co-recherche. C'est-à-dire, on va voir sur nous-mêmes quelles sont nos conditions de travail, comment est-ce qu'on travaille et comment on voudrait travailler différemment. Et donc pour ça, il y a plusieurs, les ouvriers qui sont militants, mais aussi les étudiants, mais aussi les chercheurs, qui vont d'usine en usine à essayer de partager avec le plus possible d'autres ouvriers ces types de réflexions et à enquêter sur eux-mêmes pour voir ce qu'ils veulent. Et l'idée, à la base, c'est celle qui, bien sûr, donc leur intérêt, c'est pas du tout de rentrer dans la majorité. Parce que c'est ça l'idée des syndicats et du Parti communiste. Et donc, ils disaient, on était contre ce qu'ils appelaient l'autonomie de politique. L'autonomie de politique, c'était cette idée du Parti communiste, des syndicats, c'est-à-dire fondamentalement l'entrisme, le fait que la politique, ça sert pour prendre les pouvoirs et pour restaurer les pays. Donc, ça ne nous gêne pas du tout d'être en minorité, sauf qu'après, surtout dans ces années-là, il ne s'agissait pas, au contraire, d'une minorité, mais il s'agissait de beaucoup de personnes. Et on veut, en gros, c'est libérer du travail. Et c'est à partir de là que ça se développe toute la pensée qui est la plus caractéristique de ce qu'on appelle l'opéraïsme, c'est-à-dire la pensée de la refoule du travail. Mais je pense qu'on pourrait revenir sur tout ça parce qu'il y en a quand même beaucoup à dire et c'est une histoire qui n'est toujours pas finie. En gros, pour résumer, on va dire qu'ils se découvrent, ces ouvriers-là, ils se redécouvrent comme sujet à travers ces enquêtes-là. Et à travers, il y a des nouvelles formes de lutte qui se créent à travers la combinaison entre ça, le fait qu'ils se découvrent en tant que sujet, hors des organisations, et l'anti-autoritarisme qui va contre les organisations. En gros, si on résume très très oui. rapidement. Il y a six, ouais. On peut résumer comme ça pour l'instant. Mais du coup, on développera ça plus longuement, tout au cours de l'émission, même parce que, à mon avis, c'est une des choses qui est les plus intéressantes, qui est les plus encore exploitable pour aujourd'hui. Bon, on en reparlera. Et là. On peut peut-être passer à voir quels sont les épisodes, les moments, les épisodes les plus remarquables où on voit cette force qui est en train de naître, cette force de même insurrectionnelle, je pense qu'on peut dire. Voilà, on peut dire. Quand elle se manifeste et quand elle se manifeste en tant que quelque chose où il y a un lien dans cette rage, dans cette impossibilité d'être subordonné entre l'antifascisme, la non-volonté d'adhérer à l'idéologie de la reconstruction et la volonté de changer radicalement l'état des choses. Voilà, du coup, pendant ces années-là, il y a quand même des épisodes, même si l'histoire n'est pas marquée, l'histoire italienne n'est pas vraiment marquée par des mouvements sociaux importants au niveau global. On va voir qu'au niveau local, il y a des épisodes très importants dans ces réactions et agités par des ouvriers comme c'est le cas en 1962, en juillet 1962, pendant les événements des Turin, Piazza Statuto, là, il y a eu 3 jours de révolte, des insurrections des ouvriers en grève. Mais avant d'arriver en 1962, on va s'arrêter sur la révolte des Maglietta Strisce à Gênes, en fait, qui a eu lieu fin juin 1960 à Gênes, juste les jours où il était prévu la première rencontre de la MSI, qui c'est la reconstruction du parti fasciste, le mouvement social italien. Ils avaient prévu un rassemblement, une rencontre du mouvement social italien à Gênes pour début juillet. Et ça, c'était le gouvernement en place à l'époque, c'était le gouvernement Tambroni, c'était un gouvernement de la DC, de la démocratie chrétienne. Et c'était orienté plutôt à droite par rapport après le gouvernement, toujours de la démocratie chrétienne, qui a enchaîné après, qui l'a suivi après. Et on va dire que ce gouvernement, il était en place aussi par les votes et par les accords avec les anciens fascistes de l'époque. Du coup, ça, on peut voir aussi l'autorisation de la rencontre à Gênes à la fois et comme un accord avec les forces fascistes pour les remercier en fait du soutien pour former le gouvernement et à la fois pour de la part du gouvernement pour tester un peu la, les niveaux de, du pays, en fait. Les niveaux de jusqu'à quel point la population est prête à accepter une nouvelle forme de partis politiques qui s'inspiraient aux idéaux fascistes. À l'idéal fasciste. Et du coup, ça, la population des Gênes, on voit bien, déjà, Gênes, elle était une ville plutôt, on va l'appeler rouge à l'époque, c'est-à-dire c'était une ville qui avait été justement pas mal animée par des anciens partisans, par des communistes dans l'après-guerre. Et du coup, la population à la fois et la population des Gênes et les gens qui vont débarquer pour empêcher le déroulement de cette rencontre, et ils vont empêcher pendant une semaine la première. On va s'en souvenir, la première rencontre, la première manif, c'était le 25 juin. Du coup, c'était une semaine avant la rencontre des fascistes. Ils commencent une grève autorisée, mi-pas autorisée. À Gênes, avec le soutien aussi des forces syndicales qui petit à petit au fur et à mesure ils vont se détacher parce qu'ils n'approuvent pas la violence des manifestants et les actes des manifestants. Et ce qui est remarquable en fait de ça, c'est déjà l'empêchement des manifestants à la rencontre des fascistes, parce qu'au final ça ne se déroule pas la rencontre des fascistes. Et comme on a pu observer en fait pendant cette semaine, l'unification de deux types qui est des forces qui jusqu'à ce moment-là ils n'avaient pas trop marché à côté, c'est-à-dire les côtés jeunes antifascistes pour chômeurs, étudiants et les travailleurs, en fait, les ouvriers et les ex-partisans aussi. Les ex-partisans aussi, qui à un moment donné sont appelés par les manifestants pour avoir une force, une expérience. Il y avait aussi pas mal d'armes qui circulaient dans cette semaine. Voilà, voilà. Dans les manifs. Et aussi, ce qu'ils ont remarqué aussi, les manifestants, c'était ce manque d'armes face à la police. Il faut rappeler que les jours de juillet 1960, c'était un peu, ils avaient été un peu chauds de partout en Italie parce que c'était une période pas facile pour les manifestations. On va rappeler que les 5 juillet en Licata, en Sicile, il y avait des manifestants qui s'étaient fait tirer dessus. Du coup, il y avait eu un mort à Licata, un mort à Palermo, 4 morts à Palermo en juillet, le 9 juillet pendant la manifestation à Palermo. Et à Reggio Emilia aussi, il y avait eu 4 morts pendant la manifestation à Reggio Emilia. À Rome, il y avait eu l'intervention de l'armée. C'était pas du tout la paix. C'était pas la paix en fait. Et du coup, Gênes, ça marque aussi un point, ça marque aussi une victoire du côté des manifestants parce qu'ils ont, su repousser la police et la violence d'État en empêchant aux fascistes de se réunir, d'abord, et en gardant une cohésion, même sur place, qui était une nouvelle expérience pour l'époque, on va dire. Du coup, on va écouter Morte di Reggio Emilia. Je ne sais pas si on a le temps, mais on aime bien les garder au fond de ça pour s'en souvenir aussi de tous les morts qui nous ont quittés en manifestation, juste pour la volonté de manifester. Et on va peut-être, vu qu'on est un peu pressé, on va peut-être enchaîner tout de suite sur la manif de Piazza Statuto en 1962, parce qu'il y a pas mal de points en commun avec la manif, avec les événements de Gênes 1960, parce que là aussi, on change de lieu, on ne va pas loin, on va à Turin. 1962, à Piazza Statuto, ils sont les syndicats, ils appellent à 3 jours, à un jour de manif. Les syndicats, suite à la situation, à la dégénération de la situation dans les usines. Et pas mal de manifestants se donnent rendez-vous à Turin, à Piazza Statuto. Déjà les jours avant la manif, il y avait eu des grèves spontanées. Il y avait eu des groupes syndicats qui s'étaient cassés en deux, en fait. Et il y avait eu les premiers groupes autonomes qui se détachaient à la Fiat des syndicalistes indépendants parce qu'ils ils acceptaient pas, en fait, la ligne de syndicat officiel. Et à Gênes, on a la première manif contre la Fiat ou la qui amène un bloc de la ville, en fait, pendant 3 jours à Turin en juillet. La ville de Turin est déserte, personne ne bouge, dans les trams il n'y a personne et tout le monde descend dans la rue pour manifester. Et du coup, ces grèves-là, c'est le 7, 8 et 9 juillet 1962. C'est les premières grandes vagues de grèves ouvrières depuis la fin de la résistance. Oui. Mais du coup, ça, on vous en parlera. Et c'est un truc qui est hyper fondamental pour comprendre ce dont on parlera plus tard. Parce que c'est avec Gênes, en 1960, c'est ce qui pose vraiment la rupture entre la reconstruction disciplinée du mouvement ouvrier de la part du Parti communiste qui essaie de garder son hégémonie sur les luttes ouvrières et la réouverture d'une conflictualité beaucoup plus forte et beaucoup plus directe qui va déboucher 7 ans plus tard sur ce qu'on a appelé l'automne chaud en 1969. Qui était la jonction des luttes étudiantes de 68, des ouvriers en 69, et qui a débouché ensuite sur les groupes extra-parlementaires et tout ça, oui. Qui sont tout ce qu'on développera dans des émissions ouais. suivantes. Pour comprendre bien, c'est que cette rupture, en fait, sur Piazza Statuto aussi, et pas que sur Gênes, en fait, les gens qui avaient manifesté à Piazza Statuto étaient traités par la presse et par les partis communistes vraiment comme les casseurs, comme on dit aujourd'hui. Et les partis communistes, ils avaient sorti des communiqués où ils disaient, mais ces personnes-là, en fait, ils ne s'habillent pas comme des ouvriers, ils ne se comportent pas comme des ouvriers, ils ont les cheveux longs, bah, ils ne sont pas des ouvriers. C'est pas des choses qui nous regardent, quoi. Et du coup, il y a des membres du Parti communiste qui avaient participé à ces événements-là, qui sont allés à la fête du Parti communiste, qui faisaient un grand banquet après ces grèves-là, et qui leur envoyaient leurs grands plats, leurs salamis, leurs vins et toutes leurs tables dans la gueule. Et sur ces belles paroles, on va vous dire à la prochaine fois. Donc la prochaine émission, ce sera le premier mercredi du mois, comme tous les mois. Après, donc le 7 janvier. Janvier, c'est ça. À 4h30, à la place des Libres Débats. Merci à Libre Débats. Du coup, ça c'est la dernière émission de 2014. Wow. C'est bien ça. 2014. On peut bien dire, on se voit en 2015, l'année prochaine. 2014, année du 14, s'achève. Et puis, à la prochaine. Et vous continuez à écouter Radio Galère 88.4. Ciao. Et tous les mercredis, Libre Débat, toujours sur Radio Galère. Ciao, ciao.